Je m'inquiéterai le jour où ma feuille me comprendra plus, que mon stylo refusera d'écrire, que l'inspiration me dira plus. Je ressens les choses tellement fort que j'abuse de superlatifs. Mais moi je suis comme un photographe, hein, je suis rien sans objectif. Mon décalage prend de l'âge, mes principes demandent du courage. Fini là d'écrire avant d'apprendre à tourner une page. La violence met des barrières même si elle met un peu de piment. Moi je te prends pas par derrière, je te prends par les sentiments. Dans ma bulle, dans mes rêves, je me sens comme un roi sur une dune. Mais en visant les étoiles, j'arriverai peut-être à toucher la lune. La réussite ou le succès, c'est chacun ses ambitions. Le rap c'est comme la femme parfaite, c'est chacun sa définition. Le nombre de cartouches dans ton flingue ne fait pas toi un homme fort. Moi, je suis qu'un gratteur de clopes et de métaphores. Paraît qu'il y a des gens qui m'aiment, contente quand mes cris résonnent. Pourtant là je regarde autour de moi, c'est bizarre, y'a personne. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, on écrit. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, on écrit. La porte de mon paradis ne s'ouvre qu'avec une clé de sol. Si tu savais, mon ange gardien, un casque en guise d'auréole. Je rappe ma vie, je rappe la sienne, parce qu'on est trop austère. Je me nourris de rimes, ouais. Ma musique est alimentaire. On m'a dit, moto, vrai que tu les aimes avant que la mort ne les fauche. Alors je fais en remercier tout, mon oreille droite et celle de gauche, celles qui m'ont toujours guidé à ignorer la connerie des gens, à écouter plus qu'à parler, à chanter avant que je déchante. Un homme marche dans la rue, l'air perdu à ses oreilles, des écouteurs déterminés. Le regard sombre traîne des pieds depuis une demi-heure. Dans les écouteurs, une instru tourne en boucle. De quoi vomir ma haine, ma rage, et ce qu'engendre les problèmes de couple. Point levé, on hoche la tête, c'est dans nos crânes que tout se loge. Rate à batteur parce que mon inspiration ne connaît pas l'horloge. Rap ma vie, ma vie n'est pas un jeu dont je nique ton rap. Qui aime, je croquerai le monde en solo à la Max Payne. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, on écrit. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, on écrit. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, le fond et la forme. On écrit, c'est ce qui maintient en forme. Alors je gratte, je gratte, je gratte, c'est ce qui maintient en forme. Alors je taffe, je taffe, je taffe, le fond et la forme. On écrit, je gratte, je gratte, on écrit, je taffe, je taffe.